Animé par la haine, on agit de manière impulsive. Trop de poison dans les veines. Attiré par la haine, on agit de manière impulsive. Trop de poison dans les veines. Trop de poison, c'est ce qu'on bute devant la télévision. V'là le poisson, pas de mémoire pour pas péter un plomb. Trop de poinçons, premier truc à cacher, c'est la vision. Pour pas te perdre, on te greffe à l'implant. Ouais, je m'en fume, date pas d'hier, trop de galères, j'prends pas trop de tout en zoom, tout par derrière. Ouais, c'est comme ça qu'on nous encule. Suis la pendule, on t'hypnotise, sois pas crédule. Rien de bien, rien de mal, que de la thune. Que des lacunes, fuck ton game, j'fais ma thérapie. Oui, ce que j'aime, c'est gratter, rapper sans peine, ce monde attaque les lapés. Y'a trop de blême, j'veux ma thérapie. Ah, j'me perds dans mes pensées, balèque de t'ambiancer. T'as flairé le danger, oui, la peur te fait trembler. Animé par la haine, on agit de manière impulsive. Trop de poison dans les veines. Attiré par la haine, on agit de manière impulsive. Trop de poison dans les veines. Dans les veines, c'est plus du sang qui coule, mais de la haine. Dans les gènes, y'a plus que du seum, besoin d'oxygène. Pas la peine, des faux semblants ne font que m'engraine. Gros pollen, j'me détends, pas de problème. Comment ne pas avoir la rage, ils détournent, on nous inculpe. Dis-moi comment tourner la page, ils nous prennent pour des incultes. J'ai plus envie de me battre et plus envie de me stopper. Ici sache que tu meurs, si tu restes planté, je prends le planteur et je perce l'abcès. Je dois lever le pied, ouais toujours dans l'excès. J'ai vu la paix, j'ai pas trouvé l'accès. Y'a que pour la guerre qu'on m'a donné les clés. Sur le côté faut que je laisse la colère. Je vois peu de compères mais beaucoup de commères. Frère pour m'épauler, pas de collègues mais seul. Face à l'enfer. Animé par la haine, on agit de manière impulsive. Trop de poison dans les veines. Attiré par la haine, on agit de manière impulsive. Trop de poinçons dans les veines.